Pas sur leur visage, je crois qu'ils sont inoffensifs. Ils sont très doux, mais ils présagent de vous soumettre à leurs caprices. Ça se voit pas du premier coup, on se dit qu'ils sont dépressifs. Mais ils vous mettent la corde au cou dès qu'ils vous ont dans l'objectif. Quand on veut fuir, il est trop tard. On sent déjà l'anesthésie que vous inoculent les bavards dans leur paquet de frénésie. Ça se voit pas, mais ils ont tout, toute la panoplie du petit inquisiteur. Vous font cracher un petit bout tous vos cadavres avec bonheur. Pour vous apprivoiser, il y en a qui sont capables de vous faire pleurer, de vous mettre minable. Ça se voit pas du premier coup, on se dit qu'ils sont dépressifs. Mais ils vous mettent la corde au cou dès qu'ils vous ont dans l'objectif. Ils vous repèrent et vous observent au cœur de la foule en délire. Ils vous choisissent et vous conservent. Ils se dépêchent à tout vous dire. Quand on veut fuir, il est trop tard. On sent déjà l'anesthésie. Quelle frénésie.